Voilà, c'est l'intempestive. On s'intéresse aujourd'hui dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel à l'histoire du droit d'asile et plus particulièrement à la manière dont la France et l'Europe le remettent en cause depuis une vingtaine d'années. Les barrières pour simplement déposer une demande d'asile sont de plus en plus importantes, les dossiers à remplir de plus en plus complexes, les délais pour les rendre de plus en plus brefs, tant et si bien que le nombre de demandes d'asile acceptées n'est que de 5% en Europe actuellement. Et les dirigeants européens se félicitent de la baisse de 50% du nombre de demandes d'asile, alors même que les inégalités de richesse entre pays vont croissant et que les violences dans le monde ne baissent pas. Donc on est avec Patrick Delouvain, vous êtes responsable de la section qui s'occupe des réfugiés à Amnesty International, et à ce titre, vous assurez en ce moment secrétariat avec la CIMADE de la CFDA, la Coordination française pour le droit d'asile. Est-ce qu'en préliminaire, vous pourriez nous expliquer déjà d'une part le rôle d'Amnesty sur la question du droit d'asile, et d'autre part ce qu'est la CFDA? Alors, Amnesty International a commencé à s'intéresser à la situation des réfugiés par rapport à son travail classique de protection des personnes dans leur pays. Donc, Amnesty International est parti du principe qu'il valait mieux protéger des personnes avant même qu'elles ne soient emprisonnées, torturées ou exécutées. Donc, comme Amnesty défendait les prisonniers d'opinion se bagarraient contre la torture et contre la peine de mort. Donc on s'est dit il valait mieux s'opposer au renvoi de personnes vers ces violations des droits de l'homme. Donc petit à petit, Amnesty s'est forgé sa politique, sa doctrine. Et en gros, notre rôle, c'est de nous opposer au renvoi des personnes vers le danger. Je dirais ça pour faire court. Ça veut dire que notre boulot, c'est d'essayer de faire en sorte que des personnes qui pourraient être renvoyées vers le danger soient identifiées, protégées et, par exemple, soient accueillies dans une procédure d'asile et puissent obtenir une protection de réfugiés quand c'est nécessaire. Et la CFDA? Alors, la CFDA, c'est un regroupement en France d'une vingtaine d'associations, donc qui, plus ou moins, chacune d'entre elles, travaillent sur le droit d'asile. Pour Amnesty International, le droit d'asile, la défense des réfugiés, c'est un petit bout de nos activités. Et les autres associations, comme le GISTI, la CIMADE, le GAS, le Primo Levi et bien d'autres, c'est aussi un petit bout de leurs activités. Et tous nos petits bouts, on les met en commun et on essaye de réfléchir en commun, faire des propositions en commun et mener des actions en commun. Alors, il y a eu différentes étapes, hein. Il y a eu dans le passé une commission de sauvegarde du droit d'asile dans les années 70 ou 80, et puis ensuite ça a changé, et donc on a retransformé un petit peu le collectif en Coordination française pour le droit d'asile, il y a peut-être 7 ou 8 ans maintenant, et donc voilà, donc on est plus fort quand on est plus nombreux. Et on a tous des idées un peu différentes, on a tous des analyses un peu différentes, on a tous des connaissances. Par exemple, le Comed, qui travaille sur la santé, sur les questions de santé des exilés, nous apporte un regard intéressant que nous, par exemple, à Amnesty, on n'a pas forcément. Et la CFDA intervient à quel niveau alors? Alors, à tous les niveaux, quand ça nous paraît utile, hein, quand il y a un projet de loi en discussion au Parlement, on essaye d'intervenir au niveau des parlementaires, de rencontrer les rapporteurs de la commission des lois qui examinent les projets de texte à l'Assemblée nationale et au Sénat. On intervient auprès des ministères compétents, alors ça peut être le ministère de l'Intérieur, des Affaires étrangères, de l'immigration aujourd'hui. On a un rôle aussi, on a des échanges, des recommandations sur les questions européennes de l'asile et du contrôle des flux migratoires. Donc là, on peut intervenir au niveau du président de la République, du Premier ministre, donc à tous les niveaux des décideurs, mais aussi de la presse, de l'opinion publique. Donc voilà, lobbying un peu urbi et torbi, si je peux dire, mais parfois en menant des actions au niveau de l'Union européenne. Donc on s'adresse aussi à la Commission européenne parfois quand c'est nécessaire. Donc on va parler aujourd'hui de l'histoire du droit d'asile, puisque actuellement il fait l'objet de remises en cause extrêmement inquiétantes depuis un certain nombre d'années. Donc peut-être pour commencer, revenir au départ, donc en 1951 je crois, et voir ce qui a fondé le droit d'asile, dans quel contexte il avait été institué. et revenir aussi sur des définitions, sur la définition, qu'est-ce que c'est qu'un réfugié, qu'est-ce que c'est qu'un demandeur d'asile. Alors effectivement, pour nous tous, le texte fondamental dans le domaine de l'asile et des réfugiés, donc c'est la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés, donc de 1951. Donc à l'époque, après la Deuxième Guerre mondiale, donc il y avait des populations entières qui étaient déplacées, qui étaient ballottées, qui n'étaient pas protégées, qui, ayant fui leur pays, n'avaient plus la protection de leur gouvernement, de leur État. Et donc malheureusement, il n'y avait pas de protection organisée de remplacement au niveau international. Donc cette question s'est mise petit à petit donc en marche. Donc la convention de 51 a été signée, donc avec des hésitations, en tout cas avec une définition internationale de ce que c'est qu'un réfugié. Et petit à petit, cette question qui était vue surtout pour le territoire européen, parce que c'était le lieu de ce conflit international, donc petit à petit, cette notion aussi a été étendue au monde entier. Il y a eu un protocole à New York quelques années plus tard. Donc c'est une notion internationale, c'est une notion qui s'applique dans le monde entier. Et donc aujourd'hui, c'est une notion, la définition du réfugié de la Convention de Genève de 1951 est une définition qui est acceptée au niveau international. On peut ajouter que sur le continent africain, sur le continent américain, il y a eu des définitions qui viennent un peu compléter cette définition internationale par des ajouts intéressants. Par exemple, les réfugiés de la guerre, qui sont davantage protégés en Afrique, donc par la définition donc, qui en est donnée dans la Convention de l'Organisation de l'Unité africaine. Mais voilà, donc désormais, nous avons une convention internationale pour les réfugiés, une définition internationale à l'article 1 et à l'article 33 de la Convention de Genève. On a un principe de non-refoulement vers le danger. C'est-à-dire que cette Convention des Nations Unies de Genève de 1951 interdit aux États, par le principe de non-refoulement, de refouler quelqu'un vers le danger. Il faut bien comprendre que cette convention n'oblige pas l'État à accepter le réfugié qui vient frapper à ses portes, n'oblige pas l'État à l'accepter sur son territoire. La Convention de Genève interdit à cet État de refouler ce candidat à la protection, de le refouler vers le danger. Mais ce n'est pas une obligation d'accepter sur le territoire. Et c'est tout l'enjeu de nos actions au quotidien, de faire respecter ce principe de non-refoulement vers le danger, et malheureusement avec de nombreuses attaques des États au fil des années depuis 1951 contre ce principe de non-refoulement. En France, comment s'organise le droit d'asile, la réception du droit d'asile, déjà avant d'étudier plus précisément cette histoire? Alors je dirais qu'il y a deux étapes si on se concentre sur la situation en France, même à nos frontières. Il y a une première étape pour les étrangers qui arrivent à nos frontières extérieures, dans des ports, dans des aéroports internationaux, et qui veulent demander à la France la protection de l'asile. Donc il y a une première étape, un premier tri qui est très difficile, et donc avec des personnes qui peuvent être refoulées tout de suite. Et on n'entend malheureusement plus parler d'eux. Et puis pour ceux qui sont sur le territoire, il est nécessaire dans un premier temps de se présenter dans une préfecture, de décliner son identité, son adresse, de donner ses empreintes digitales. Et donc ensuite, on peut être admis au séjour, c'est-à-dire qu'on peut avoir un titre de séjour renouvelable régulièrement dans la procédure normale. Malheureusement, il y a une procédure prioritaire accélérée. Le titre de séjour permet donc aux demandeurs de s'adresser à un organisme, l'OFPRA, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Et cet organisme, OFPRA, examine la demande d'asile. S'il y a un rejet, l'intéressé peut aller devant la Cour nationale du droit d'asile pour faire un recours. Et donc, si au bout de ce processus, l'étranger est reconnu réfugié ou s'il est bénéficiaire d'une protection dite subsidiaire, à ce moment-là, il a le droit de rester en France avec une carte de séjour d'un an, de 10 ans. Bon, il a le droit de travailler. S'il est rejeté, il doit partir par ses propres moyens. Sinon, il peut être mis dans un avion d'office pour être renvoyé vers son pays d'origine. Et au niveau des Nations Unies, il y a également une autre institution qui intervient, qui est le HCR, le Haut Commissariat aux réfugiés. Quel est son rôle en fait par rapport à l'asile? Alors, en 1951, donc parallèlement à cette convention que signent des États, comme la France, a été créé un organisme international des Nations Unies, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, dont le rôle est de venir en aide aux réfugiés dans le monde, parce qu'il faut savoir que le plus grand nombre de réfugiés se trouve très loin de nos frontières européennes. Hein. En Tanzanie, il y a peut-être 800 000 réfugiés dans des camps aujourd'hui. On sait qu'autour de l'Afghanistan, autour de l'Irak, il y a des millions de personnes qui ont été obligées de fuir les conflits, les violences dans leur pays. Donc le plus grand nombre de réfugiés dans le monde se trouve très loin de nos frontières. Pour venir en aide à ces populations réfugiées dans le monde, il y a cet organisme international des Nations Unies, le HCR, qui est chargé de leur protection, de leur assistance. C'est un organisme effectivement de protection, mais qui est un organisme intergouvernemental dans le système des Nations Unies. Donc c'est un organisme qui dépend des États, du financement des États et du bon vouloir des États. Donc c'est un organisme qui effectivement est chargé de protéger, en même temps qui dépend de la générosité des États qui veulent bien financer ces programmes ou pas. Quelles sont les grandes évolutions du droit d'asile dans le cadre de cette émission aujourd'hui, on s'intéressera davantage aux 20 dernières années, mais pour dresser une rapide évolution en fait, de la période de 1951, en gros, aux années 90 à peu près. Je pense que des années 70, où on a vu une arrivée très importante de réfugiés du sud-est asiatique, quand des personnes fuyaient, notamment des boat people, le Vietnam, le Laos, le Cambodge, on a vu un nombre très important de réfugiés de cette région du monde arriver aux États-Unis, au Canada, en Australie et en France. La France a accueilli un nombre très très important, des dizaines de milliers de réfugiés de cette région. À l'époque, il y avait une sorte de pont aérien donc pour accueillir en France toutes ces populations sur notre territoire, avec une grande générosité, j'aurais tendance à dire. Ensuite, sans doute en raison également du fait d'une crise économique, on est rentré beaucoup plus dans un examen au cas par cas, au niveau individuel, de toutes les demandes d'asile des personnes qui venaient individuellement demander une protection. Et donc là, je pense qu'on peut dire qu'on a assisté petit à petit à un examen de plus en plus tatillon, de plus en plus précis, de plus en plus minutieux, avec malheureusement un nombre de rejets des demandes d'asile au niveau individuel de plus en plus fort. Donc ça a été vraiment une individualisation de plus en plus forte de cet examen qui a contribué à rejeter de plus en plus de demandes. Je pense que avec l'ouverture des frontières au sein de l'Union européenne, des frontières intérieures au sein de l'Union européenne, les groupes, soit l'Union européenne au départ à 12, à 15, soit le groupe de Schengen, qui était un petit sous-groupe de l'Union européenne, ces groupes qui avaient comme objectif de progressivement supprimer les contrôles aux frontières intérieures, au fur et à mesure se sont décidés à accompagner cette ouverture des frontières intérieures par un renforcement des contrôles aux frontières extérieures. C'est-à-dire que l'idée de ces États membres au sein de l'Europe, l'idée c'était de se dire comme on facilite la circulation des étrangers, enfin de toutes les populations entre nous, il faut qu'on contrôle mieux ceux qui rentrent sur notre territoire commun. Et donc on a assisté petit à petit à un renforcement des contrôles aux frontières extérieures, un durcissement des conditions d'accueil, d'entrée sur notre territoire commun, pour les étrangers en général, et les demandeurs d'asile et les réfugiés en particulier. Avec un grand nombre de notions qui sont venues s'accumuler les unes derrière les autres, et une diffusion de ces notions entre les États européens, un État mettant en place la notion de procédure prioritaire, accélérée, un autre État mettant en place l'idée, par exemple, de pays tiers sûrs, on peut renvoyer quelqu'un vers un autre pays que l'on jugera comme étant sûr. Donc toutes ces notions se sont développées dans les différents pays européens et un rapprochement des politiques s'est mis en place entre les pays européens et les mauvaises pratiques se sont échangées et généralisées. Donc je pense qu'il y a eu malheureusement, par ces travaux de rapprochement des politiques et des pratiques, une diffusion de plus en plus rapide de toutes les mauvaises pratiques, de toutes les mauvaises idées pour empêcher des réfugiés d'arriver en Europe. Malheureusement, ça s'est soldé, le travail de l'Union européenne, par un abaissement de la protection, un durcissement des conditions d'accès au territoire et une volonté, en fait, de dissuader les demandeurs d'asile d'arriver en Europe. Donc on va prendre ensuite un peu précisément chacune de ces contraintes en fait que l'Europe et donc la France aussi pose au fur et à mesure aux demandeurs d'asile. Peut-être avant on revient aux années 1980, c'est au cours de ces années que s'est développée la rhétorique du faux demandeur d'asile, qui était quelque chose de très nouveau à cette époque, qui aujourd'hui l'est beaucoup moins. C'est quasiment devenu aujourd'hui la norme de considérer un demandeur d'asile a priori comme fraudeur. Alors déjà, nous nous bagarrons régulièrement pour qu'on évite cette notion de faux demandeur d'asile. Surtout aujourd'hui, où en Europe, un demandeur d'asile est sans doute l'un des étrangers les mieux identifiés en Europe, puisque un demandeur d'asile qui dépose une demande dans un des 27 États membres de l'Union européenne aujourd'hui va donner ses empreintes digitales de tous ses doigts, et ces empreintes digitales seront consignées dans une base de données commune, Eurodac, Eurodac pour Europe Dactyloscopie. Donc on a une base de données Eurodac aujourd'hui qui regroupe toutes les empreintes digitales de tous les demandeurs d'asile des 27 États membres. Petit à petit, donc, ces États membres fournissent leurs données donc, dans la base commune. Et non seulement des demandeurs d'asile, mais d'autres catégories d'étrangers, comme des étrangers qu'un État va contrôler en situation irrégulière sur son territoire. Donc vous voyez, c'est une banque de données européenne, consultable dans les 27 États membres, où on retrouve finalement une sorte de traçabilité de tous ces demandeurs d'asile des 27 États membres. Donc, on ne peut pas parler de faux demandeurs, puisque ces étrangers sont les mieux identifiés sur tout le territoire commun de l'Union européenne. Alors, effectivement, malheureusement, dans l'opinion publique et chez certains hommes politiques aussi, malheureusement, nous le regrettons, de plus en plus, on a fait une sorte d'équation entre grand nombre de rejets des demandes d'asile déposées, grand nombre de rejets égale grand nombre de fraudeurs. Et donc on a parlé de faux demandeurs. Ce qu'il faut savoir, c'est ce que je vous disais, c'est-à-dire qu'on a assisté depuis une quarantaine d'années à un examen de plus en plus tatillon, de plus en plus individualisé des demandeurs d'asile. Prenons un Kurde, prenons un Tamoul, prenons un Tutsi, prenons une personne qui fuit son pays. S'il demande l'asile, souvent les ressortissants de ces pays fuient des violations massives des droits de l'homme. Et souvent ils ont un récit des violences qu'ils ont subies qui est semblable les uns par rapport aux autres. Les Tutsis, donc au Rwanda, donc les Tamouls au Sri Lanka, souvent ont des persécutions à évoquer semblables, similaires. Alors ensuite, est-ce qu'on va les reconnaître tous comme réfugiés parce que effectivement il y a une violence qui s'adresse de manière un peu généralisée vis-à-vis de ces populations, ou est-ce qu'on va les rejeter tous, ou est-ce qu'on va en prendre 3 ou 4 sur 100? C'est ça la difficulté, et c'est ça qui fait qu'il y a souvent un grand nombre de rejets. Un grand nombre de rejets d'une demande de protection individuelle, et en revanche, un grand nombre de ces personnes se retrouvent sur le territoire français ou européen en général, mais l'administration reconnaît qu'elle ne peut pas les renvoyer dans leur pays, parce que l'administration reconnaît qu'ils seraient en danger si on les renvoyait. Donc vous voyez, on se retrouve avec un grand nombre d'Irakiens, d'Éthiopiens, de Sri Lankais, de Congolais, de Rwandais, de Colombiens, qui n'ont pas réussi à convaincre individuellement qu'ils mériter, entre guillemets, une protection individuelle et une carte de séjour de 10 ans. Donc ils n'ont pas réussi à convaincre. Leur demande d'asile a été rejetée. Et en même temps, les préfectures reconnaissent qu'on ne peut pas les renvoyer parce qu'il y a une situation de danger dans leur pays. Donc tous ces étrangers sont tolérés sur le territoire français, ne sont pas renvoyés, mais sont considérés comme des faux demandeurs. Ce sont des victimes totales. C'est un peu la situation vraiment caricaturale qu'il y a à Sangaït actuellement, quoi. C'est-à-dire beaucoup d'Érythréens ou d'Irakiens qui sont là-bas et qui sont dans une sorte de no man's land où la police les persécute. En même temps, ils peuvent pas être envoyés puisqu'ils viennent objectivement de pays en guerre. Alors c'est un des meilleurs exemples donc du côté un peu Kafka donc de ces questions d'asile au niveau de l'Union européenne. Qu'est-ce qui se passe dans la région de Sangatte, à Calais, à Cherbourg, donc sur cette côte, vers les côtes britanniques? Qu'est-ce qui se passe? Ces personnes, effectivement, je pense qu'on peut dire que ce sont des personnes qui viennent majoritairement de pays où les violations des droits de l'homme sont très importantes. Donc ce sont des personnes qui, effectivement, ont vocation à demander une protection qu'ils ne peuvent plus obtenir dans leur pays. Donc ils ont vocation à demander et à obtenir une protection, par exemple le statut de réfugié. Mais qu'est-ce qui se passe? L'Union européenne s'est dotée d'une autre arme, le processus qu'on appelle de Dublin, qui dit que un demandeur d'asile ne peut plus demander l'asile en Europe que dans un seul État membre, premièrement. Et deuxièmement, c'est pas lui qui choisit lequel. C'est nous, Europe, qui choisissons dans quel État membre le demandeur pourra faire examiner sa demande. En fonction de quoi? En fonction de critères. Les critères, c'est est-ce que cet étranger qui vient a eu un visa? Si c'est l'Espagne qui lui a donné un visa, c'est l'Espagne qui aura à examiner sa demande d'asile. Tant pis si l'intéressé a de la famille aux Pays-Bas, tant pis s'il est francophone et qu'il préfère venir en France, l'Europe décide qu'il devra faire examiner sa demande en Espagne. Même chose pour les Érythréens, les Irakiens, les Afghans, les Kosovars qui ont de la famille en Grande-Bretagne et qui voudraient rejoindre leur famille pour demander l'asile parce qu'ils auraient en Grande-Bretagne un soutien, une famille qui va pouvoir les loger les premières semaines. Donc ils veulent aller en Angleterre, mais ils n'ont pas le droit parce que c'est l'Europe qui décide. Donc ces étrangers s'agglutinent à la frontière entre la France et la Grande-Bretagne, ou la Belgique et la Grande-Bretagne, tentant désespérément d'aller en Grande-Bretagne, mais ils veulent pas demander l'asile en France, parce qu'ils veulent le demander en Angleterre, parce qu'ils ont leur famille. Et donc on se retrouve avec des personnes bloquées, sans papier, sans séjour, sans autorisation, sans déclaration, du fait des règles complexes de l'Europe qui s'appliquent de manière abrupte à eux. Et derrière cette notion de faux demandeur, c'est développé l'accusation, en fait, il ferait partie d'une immigration économique qui est vilipendée par les États actuels, l'immigration subie, entre mille guillemets. Cette rhétorique-là s'est développée plus récemment. Oui, alors dans la terminologie commune, on entend souvent dire réfugié politique, réfugié économique, et une opposition entre les deux. Déjà, ce qu'on peut dire, c'est que le réfugié, c'est quelqu'un qui, d'après la définition de la Convention de Genève de l'article 1, c'est quelqu'un qui peut fuir des menaces pour des raisons politiques, ethniques, religieuses, donc pas seulement politiques. Donc la terminologie réfugié politique est un peu réductrice. Bref, on oppose souvent réfugié politique et réfugié économique. Encore une fois, bien malin, je crois, celui qui peut déterminer dans la demande d'asile d'un Kurde ou d'autres personnes venant d'autres pays, la part des raisons qui ont poussé un individu à partir, la part de l'économique et de la violation des droits fondamentaux. Effectivement, un Kurde qui fuit une situation de violence dans une certaine région, par exemple de la Turquie ou d'autres pays où il y a des Kurdes, donc bien malin celui qui peut déterminer de manière certaine si ce Kurde fuit pour des raisons de violence politique, de violence dirigée contre son groupe kurde, ou s'ils fuient pour des raisons économiques, de manque d'activité professionnelle. Manque d'activité professionnelle lui-même entraîné par justement le fait qu'il est kurde. Vous voyez, souvent toutes ces questions sont mêlées et effectivement les violations des droits civils et politiques sont mêlées avec des conséquences économiques pour la vie quotidienne. Donc effectivement c'est une situation très très très compliquée. Donc ça, ceci pour dire que nous, dans nos associations, Amnesty en particulier, nous militons pour qu'il y ait vraiment un examen sérieux, équitable des demandes d'asile, un entretien avec le demandeur, un soin le plus attentif possible pour aider le demandeur dans la procédure, c'est-à-dire qu'il ait du temps pour préparer sa demande, qu'il soit mis en confiance pour l'entretien, qu'il y ait un interprète, qu'il y ait un recours ensuite, qu'il puisse y avoir un avocat, une association qui conseille le demandeur pour son recours. Enfin, il faut une vigilance très importante pour toutes les procédures d'asile. Et malheureusement, la vigilance n'est pas au rendez-vous en Europe. Et la vigilance et l'attention, les garanties ne sont pas suffisantes dans les textes européens qui demandent aux États membres de l'Europe de rapprocher leur politique en termes de procédure d'asile. La meilleure preuve, c'est que selon les États membres, les procédures ne sont pas les mêmes. Et selon les États membres, un Tchétchène, un Sri Lankais, un Irakien peut se voir reconnaître le statut de réfugié peut-être dans 50% ou 70% des cas dans certains États membres, et parfois 1% dans d'autres. Donc ça, ce n'est pas normal. L'harmonisation au niveau européen est en défaut flagrant. Quand les princes du port gardaient en main le sort, amis, de milliers d'exilés mal du pays. Quand tu rêves la nuit exilé de ton île, entends-tu tous ces bruits, ces rumeurs de ta ville? Les musiques dans les cours, les jaseries des commères, les enfants de carrefour et les vagues de la mer. Toi tu traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer. Reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué, pour que chantent à nouveau les espoirs de ton île. Quand tu rêves chez toi, n'entends-tu que ces voix, amis, qui criait dans la nuit en fuyant les soldats, les rumeurs de bataille, les accords de mitraille, les violons de la peur qui font grincer le cœur, les cagoules dans la nuit accompagnées de cris de familles séparées de leurs fils bien-aimés. Toi qui traînes ta vie et ton mal du pays, ami, le long de ces hivers tellement loin de la mer, reviendras-tu là-bas chanter la liberté, pour que meurent les rois qui l'avaient trafiqué. Après le chanteur haïtien Charlemagne, on revient toujours dans l'intempestive sur Fréquence Paris Pluriel à l'histoire du droit d'asile et de son dépeçage avec Patrick Delouvain. Pour que chante à nouveau les espoirs de ton île. Alors, dans les années 90, avec la construction de l'espace Schengen dont vous avez parlé, se développe également une forme de privatisation du contrôle de l'arrivée en fait, des demandeurs d'asile, avec une pression et des sanctions exercées à l'encontre des compagnies aériennes, par exemple, les encourageant à effectuer elles-mêmes, en fait, une première procédure d'accueil, ou plutôt, en l'occurrence, de refoulement des demandeurs d'asile. Alors, il y a eu une multiple flopée de mesures qui ont été prises pour empêcher, entraver l'arrivée des demandeurs d'asile sur le territoire européen. Il faut savoir qu'on est passé de, il y a une quinzaine d'années, où il y a eu le pic de 600 ou 700 000 demandes d'asile dans toute l'Europe. L'Europe, à l'époque, était à 12 ou 15 États membres. Alors que ces dernières années, à 27 États membres, donc deux fois plus, on est descendu à 200 000 ou 250 000. Donc vous voyez, il y a une chute régulière des arrivées de demandes d'asile en Europe, malheureusement. Comment ça s'est fait et pourquoi? Effectivement, un grand nombre de mesures ont été prises. Dans toutes ces mesures, il y a eu effectivement ce qu'on a appelé la privatisation du droit d'asile, c'est-à-dire les compagnies de transport, principalement les compagnies aériennes, donc ont été visées. L'Europe, certains États membres ont dit aux compagnies, écoutez, c'est vous qui êtes responsable si vous transportez des candidats à l'asile dans vos avions, des étrangers en situation irrégulière, en tout cas des étrangers démunis de passeport, de visa, c'est de votre faute. Donc on va vous demander de vous responsabiliser davantage à l'embarquement, on va vous demander de contrôler davantage l'embarquement de tous ces passagers. Si vous nous amenez à l'arrivée en Europe des étrangers qui n'ont pas de passeport et pas de visa, eh ben, il y aura une sanction. Et donc ça a été une sanction financière, donc ça a été des chiffres, ça a été en francs, je crois qu'à l'époque c'était 5000 francs, et puis on est passé à 1500 euros ou 5000 euros aujourd'hui, je crois. En tout cas, effectivement, une responsabilisation de plus en plus forte, financière, des compagnies aériennes pour qu'elles contrôlent mieux à l'embarquement les passagers. Ça, c'est un exemple. Mais en mettant l'accent aussi sur les compagnies aériennes, les États membres se sont dit qu'eux aussi, ils avaient leurs responsabilités. Et les États membres, de plus en plus, ont décidé d'envoyer des fonctionnaires européens dans des pays d'embarquement. Pour faire quoi? Pour déjà former, informer, conseiller les États, le Mali, le Pakistan, la Turquie et bien d'autres. Donc conseiller ces États sur les contrôles aux flux migratoires, les contrôles à l'embarquement. Donc nos fonctionnaires européens sont allés conseiller, former les fonctionnaires de pays comme le Pakistan, la Turquie, le Mali, sur comment mieux contrôler les flux vers l'Europe. Donc pression sur ces États d'embarquement. Parfois les officiers de liaison immigration, comme on les appelle, parfois les officiers de liaison immigration européens pouvaient même être amenés à faire des contrôles dans un aéroport étranger. Pour prendre le cas de la France, actuellement il y a des zones d'attente dans les aéroports, ZAPI 3 particulièrement connue, pour des conditions très difficiles pour les étrangers qui sont enfermés, puisqu'ils n'ont pas le droit d'en sortir, et où ils sont ni plus ni moins, enfin pour un certain nombre d'entre eux en tout cas, empêchés de déposer la moindre demande d'asile. Alors donc, effectivement, quand l'étranger arrive à la frontière extérieure française, s'il ne peut pas rentrer tout de suite parce que son passeport, son visa ne sont pas en règle, donc l'étranger peut être maintenu dans ce qu'on appelle la zone d'attente, un maximum d'une vingtaine de jours. Bon. Pour les demandeurs d'asile, ce temps est mis à profit par l'administration pour examiner la demande de cette personne d'admission sur les territoires au titre de l'asile. Donc un examen supplémentaire par rapport au demandeur d'asile qui est déjà sur le territoire français. Donc cet examen supplémentaire, donc malheureusement un certain nombre ne passent pas cet examen tatillon et sont refoulés dans le pays d'où ils viennent. Ceux qui peuvent rentrer, bon, ben, rentrent dans la procédure normale sur le territoire. Effectivement, dans ces zones d'attente, alors des zones d'attente, il y en a une centaine en France, on parle surtout bien sûr de celle de Roissy, des zones d'attente des aéroports parisiens, Roissy qui représente 95% de tous les demandeurs d'asile à toutes les frontières extérieures, c'est-à-dire c'est pas énorme, hein, c'est 2 ou 3 000 par an, donc ça fait pas beaucoup de demandes d'asile à toutes les frontières extérieures. Mais 95% c'est Roissy, 3-4% c'est Orly, et le reste des demandes d'asile aux frontières extérieures c'est des ports, c'est La Rochelle, c'est Bayonne, c'est Marseille, c'est Nice, c'est Le Havre. Bon, très très peu de demandes dans tous ces ports, ce qui nous surprend d'ailleurs beaucoup. Et nous craignons que des personnes qui arrivent sur des bateaux soient refoulées tout de suite sans avoir le moindre droit à faire examiner quoi que ce soit, une demande d'asile ou autre chose. Donc refoulement sans doute très rapide dans les ports, et parfois refoulement trop rapide dans les aéroports. Effectivement, des étrangers qui arrivent, j'en ai vu il n'y a pas longtemps, des Irakiens que j'ai rencontrés donc, dans la zone d'attente de Roissy, et en discutant avec eux, en allant sur place, parce qu'on a le droit de visiter la zone d'attente, donc en visitant la zone d'attente, j'ai discuté avec ces personnes, je me suis entretenu avec eux, Je leur ai demandé, voilà, qui êtes-vous? Est-ce que vous avez quelque chose à nous dire, à nous, membres d'associations, qui avons le droit de visiter les zones d'attente et de discuter avec vous, étrangers, qui êtes là? Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Et tout de suite, spontanément, ils m'ont dit, mais on n'arrive pas à demander l'asile, on ne veut pas enregistrer notre demande d'asile, la police ne veut pas. Bon. Et effectivement, malheureusement, ces Irakiens devaient être refoulés quelques heures après, sans qu'on ait examiné quoi que ce soit de leur dossier individuel, savoir si ils seraient en danger en cas de renvoi ou pas. Donc, ma présence ce jour-là, mon intervention auprès de la police, donc a permis que des demandes d'asile pour ces trois personnes soient enregistrées. Mais quand il n'y a personne, je ne sais pas comment ça se passe. Donc oui, des étrangers ont du mal à faire une demande d'asile à la frontière française. Ensuite, si on avance un petit peu dans le temps, en 1992, il y a cette notion qui se développe, dont vous, que vous avez évoquée, de pays sûr, pays tiers sûr ou pays voisin sûr. Est-ce que vous pourriez expliquer ce que c'est exactement et quelle incidence ça a sur le droit d'asile ? Alors effectivement, fondamentalement, il y a deux notions complètement différentes. Il y a la notion de pays d'origine sûr. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire grosso modo, nous Europe ou nous France tout seul, nous estimons que vous venez du Mali, vous venez du Niger, vous venez de Tanzanie. Grosso modo, la situation est stable dans ce pays relativement sûr. On va enregistrer votre demande d'asile, on va l'examiner, mais avec beaucoup moins d'égards, beaucoup moins de garanties. Pas de recours avant le renvoi, en tout cas pas de recours suspensif examiné avant votre renvoi. Des conditions d'accueil inexistantes, hein. Donc pas d'allocation pour vivre en attendant une réponse, pas de droit à accéder à un foyer. Donc un examen tout à fait accéléré et manquant de garantie. Donc ça c'est la procédure du pays d'origine sûr avec un examen accéléré sans garantie. La procédure prioritaire donc. Procédure prioritaire pour la France. Donc, la notion de pays tiers sûr est tout à fait différente et elle n'est pas appliquée en France dans la loi. La notion de pays tiers sûr, ça veut dire, vous êtes Rwandais, par exemple, vous êtes passé par la Tanzanie. Pour les Rwandais, la Tanzanie est un pays tiers sûr. Vous auriez pu demander l'asile en Tanzanie. Donc, vous n'avez pas besoin de venir en Europe demander l'asile. Et on vous renvoie en Tanzanie, ça sera à la Tanzanie d'examiner votre demande d'asile. Donc ça, c'est une notion qui se développe au niveau de l'Union européenne, qui n'est pas encore appliquée dans la loi en France. Mais c'est effectivement une mesure qui est gravissime, parce qu'on renvoie des gens, parfois dans certains États membres, sans même examiner du tout leur demande, mais simplement en disant « on vous renvoie vers un pays ». Avec le risque d'un renvoi successif de pays tiers en pays tiers, lesquels pays tiers ne sachant plus du tout au bout du compte si ce demandeur d'asile, un pays quelconque, a examiné une demande ou pas. Donc ça, c'est une mesure très, très dangereuse aussi. La CFDA a fait paraître assez récemment, là, en 2006 ou en 2007, je crois, un communiqué demandant à la France de réviser sa liste, puisque la liste est nationale, elle n'est pas pour l'instant européenne, je crois, sa liste de pays sûrs, puisqu'il figurait des pays qui n'étaient absolument pas sûrs. La liste des pays d'origine sûre, il faut savoir que l'Union européenne n'a pas réussi à se mettre d'accord sur une liste commune. C'est quand même assez intéressant à observer. Ça veut dire que les États membres ne sont pas d'accord entre eux pour dire si des pays sont sûrs ou pas. Ce qui est intéressant. Malheureusement, la France toute seule a fait une double liste. Aujourd'hui, avec deux listes décidées en 2005 et 2006, on est à une liste de 17 pays d'origine considérée par la France comme étant sûre. Et il n'y a aucune procédure de révision possible. C'est-à-dire que si dans l'un de ces 17 pays, un jour, il y a un coup d'État, on ne pourra pas changer la procédure pour les ressortissants venant de ce pays. On continuera à leur appliquer la procédure prioritaire expéditive sans garantie. Donc c'est complètement incroyable d'observer donc un tel fonctionnement. Donc effectivement, la CFDA a mené une nouvelle action tout début 2008, et a demandé à l'organe compétent, c'est-à-dire au conseil d'administration de l'OFPRA, de réviser cette liste de 17 pays sûrs, parce qu'effectivement, dans un certain nombre de pays, il y a eu des changements politiques majeurs. Il faut en tenir compte, il faut en prendre acte, et il faut supprimer un certain nombre de pays de la liste, sans doute. Nous sommes contre cette notion, cette liste, mais au moins, on demande que l'État reconnaisse qu'au moins un certain nombre de ces pays, il faut les supprimer de la liste. Malheureusement, on n'a pas eu de réponse à notre demande pour l'instant. Ce qu'on sait, c'est que le conseil d'administration, qui s'est réuni en janvier, n'a fait que survoler, mentionner notre demande, mais sans l'examiner sur le fond, et a repoussé à une ultérieure réunion, qui n'est d'ailleurs pas fixée dans le temps, le soin d'examiner notre demande. Donc, pour l'instant, on est toujours à 17 pays sur la liste donc pour lesquels les ressortissants donc, n'ont le droit qu'à un examen accéléré de leur demande. Le Conseil d'État vient d'annuler d'ailleurs deux pays, hein, en considérant que le Niger et l'Albanie n'étaient en fait pas sûrs à l'époque où la décision avait été prise. Et donc le Conseil d'État vient opportunément de dire « Non, il y en a au moins deux sur les 17, vous ne pouvez pas les laisser sur la liste. » Donc voilà, donc ça c'est une décision de cette semaine, donc c'est une bonne décision, on aurait voulu qu'ils aillent plus loin, mais c'est une bonne décision au moins pour ces deux pays. Ça montre que effectivement, c'est pas normal, il n'est pas normal de fixer un beau jour des pays comme ça sur une liste sans avoir aucune possibilité donc de réviser la liste quand il y a des changements politiques importants dans les États. En 2001, en 2002, il y a une nouvelle rhétorique qui se met en place, enfin qui accompagne celle précédente, sur la notion de fardeau à partager. Et ensuite, donc en 2002, au sommet de Séville, l'asile, en fait, est assimilé à l'immigration, ni plus ni moins. Et on ne parle plus tellement d'asile, mais on parle de lutte contre l'immigration illégale et comment l'Europe peut mettre en place des dispositifs de lutte contre l'immigration illégale. Et notamment, il y a cette notion d'asile interne qui se développe. Est-ce que vous pourriez expliquer tout ça ? Alors, il y a beaucoup de notions dans tout ça. Alors, premièrement, le fardeau, c'est un terme qu'on n'aime pas trop. C'est une traduction de l'anglais du burden. Et donc, quand on parle de burden sharing, ça veut dire donc le partage. Finalement, il est vrai que la Convention de Genève de 1951 prévoit dans son préambule que la protection des réfugiés est une responsabilité internationale, de la communauté internationale, et que cela nécessite une solidarité donc entre les États du monde. La Tanzanie, qui est l'un des pays les plus pauvres au monde, ou le Pakistan, quand ils accueillaient des millions de réfugiés afghans. Donc la Tanzanie, par exemple, a besoin de la solidarité des États riches du monde pour venir en aide aux centaines de milliers de Burundais, Congolais, Rwandais qui sont sur son territoire. Donc c'est une question internationale et il faut un partage, burden sharing, il faut un partage de la charge, un partage de la responsabilité, et les États les plus riches doivent aider le HCR par leur financement, par leur contribution financière, doivent aider le HCR pour venir en aide aux réfugiés dans les pays les plus pauvres comme la Tanzanie. Donc c'est la notion effectivement de partage. À partir du moment où l'Union européenne s'est dit on veut restreindre l'accès à notre territoire aux demandeurs d'asile, finalement c'était quand même un petit peu ça, ils ont commencé à réfléchir en termes donc comment on peut faire, comment on peut aider les États les plus pauvres. Alors là, un certain nombre de notions sont venues se mettre en place. Premièrement, on a vu pour le soutien aux procédures d'asile des pays dans le monde, en dehors du territoire de l'Union, on a vu des notions de programmes régionaux de protection. L'Union européenne se disait dans des pays aux portes de l'Europe, comme l'Ukraine, la Biélorussie, ou en Afrique, comme en Tanzanie, on pourrait aider ces États à développer leur processus d'asile, leur procédure d'asile, leur accueil des réfugiés, financer, donc accompagner la mise en place de lois sur l'asile dans ces pays. Donc l'Union européenne s'est dit, voilà, on va financer davantage. Je crois qu'on n'a pas vu beaucoup la couleur de ces fonds dans ces pays. En revanche, l'Union européenne sort de plus en plus de ses frontières pour contrôler l'arrivée vers son territoire commun. Donc on parlait des officiers de liaison immigration, mais de plus en plus, l'Union européenne demande aux autres États dans le monde, le Mali, le Sénégal, la Mauritanie, la Libye, le Maroc, l'Union européenne demande de plus en plus à ses États de contrôler depuis leur territoire les flux vers l'Europe. Et l'Union européenne vient en aide, propose de venir en aide à ses États, en dehors de ses frontières, pour les aider à contrôler les flux vers l'Europe. Et une sorte d'égoïsme à dire, on est le centre du monde, c'est un petit peu l'idée, on est le centre du monde, il y a des flux qui arrivent vers nous, on va vous aider, vous, États, et si vous voulez qu'on vous aide, il faudra que vous nous aidiez, et vous nous aidiez à contrôler les flux vers chez nous, parce qu'on n'en veut plus. Et donc, de plus en plus, effectivement, on a vu des notions, et alors, il y a eu la création d'une agence, une sorte d'agence des polices européennes, finalement, Frontex qui vient de frontières extérieures, gestion des contrôles aux frontières extérieures, Frontex. Et donc Frontex, c'est une manière de mutualiser les polices européennes et d'envoyer des bateaux, des caméras, des satellites, des rouleaux de barbelés finalement, donc en dehors de nos frontières pour avoir des patrouilles communes de bateaux au large de la Libye, au large du Maroc, au large des Canaries, pour contrôler les flux migratoires. Et ces flux migratoires, il peut y avoir des personnes qui fuient leur pays pour chercher un avenir meilleur, et il peut y avoir des personnes qui fuient une violence et qui cherchent une protection en tant que réfugiés. Et donc Frontex, les bateaux de Frontex vont en haute mer, ils sauvent un certain nombre de vies humaines sur ces bateaux, ces frêles bateaux qui sombrent trop souvent avec des morts à la clé. Donc Frontex, les bateaux de Frontex vont sauver des vies humaines, mais en même temps vont arraisonner certains de ces bateaux, les ramener en amont vers la Mauritanie, vers le Sénégal, donc pour empêcher des gens d'arriver par exemple aux Canaries, par exemple à Malte, par exemple en Italie à Lampedusa, par exemple en Grèce. Donc action en amont pour éviter que des demandeurs d'asile, des étrangers démunis de documents n'arrivent sur nos territoires. Alors ça se solde par une baisse extrêmement forte, comme vous l'avez dit, du nombre de demandeurs d'asile. En 2006, Nicolas Sarkozy, qui était à ce moment-là, qui devait être ministre de l'Intérieur à ce moment-là, s'en est félicité. Voilà. Et en 2006, enfin également pour rester sur cette période-là, donc baisse du nombre de demandeurs d'asile. Et en 2006 également, Amnesty International sort un communiqué. Fait son rapport annuel sur la situation des droits de l'homme, etc., et dénonce pour la France notamment l'impunité totale de la police, notamment dans les questions liées à l'asile. Alors effectivement, l'Union européenne donc, a vu son nombre de demandeurs d'asile divisé par deux ou trois en une dizaine ou une quinzaine d'années, malheureusement, par toutes ces mesures mises en place de dissuasion des arrivées. La France était un peu en retard dans la baisse par rapport à d'autres États membres de l'Union. L'Angleterre avait fait chuter son nombre de demandes d'asile divisé par deux en deux ou trois ans. Monsieur Sarkozy, effectivement, était jaloux et a dit qu'il fallait faire pareil, il fallait faire baisser le nombre de demandes d'asile. Donc, malheureusement, en trois ou quatre ans, ce nombre de demandes d'asile en France a baissé, effectivement, a été divisé par deux. On était à peu près à 50 000, on est descendu à peu près à 25 000 en 3 ans. Donc ça, c'est inquiétant parce qu'on ne sait pas ce que sont devenus les autres. Hein, donc ça, c'est une inquiétude. Donc effectivement, M. Sarkozy, par différentes mesures, a réussi son pari de faire chuter le nombre de demandes d'asile. Alors, un autre problème est ce que vous mentionnez, c'est-à-dire ce qu'effectivement nous identifions comme une possibilité d'impunité pour des violences dites policières. De quoi s'agit-il ? Ce n'est pas lié que à l'asile, bien sûr. C'est donc la situation dans certains de nos États en Europe et en France, là en particulier, parce que Amnesty a fait un rapport sur la France. Donc Amnesty, sur une vingtaine d'années, a suivi un certain nombre de situations de personnes, français ou étrangers, mais majorité de ces personnes, c'était des personnes étrangères ou d'apparence étrangère, si on peut dire ainsi, de manière raccourcie. Donc un grand nombre de ces personnes, effectivement, n'ont pas réussi à obtenir gain de cause quand ces personnes dénonçaient une violence policière à leur encontre. Et donc là, on analysait un certain nombre des situations. Premièrement, le fait que majoritairement ces personnes donc, étaient soit étrangères, soit originaires donc, de Guyane, des Antilles, hein, donc des Français noirs. Donc majoritairement, ces personnes, effectivement, étaient ces catégories de population. Majoritairement, ces personnes avaient une difficulté à faire enregistrer une plainte quand ils voulaient dénoncer une violence policière à leur encontre. Majoritairement, la police avait déclenché contre eux une procédure donc de alors c'était effectivement donc une plainte de la police contre ces personnes pour refus d'obtempérer ou enfin voyez donc malheureusement pour nous une justice à deux vitesses où il nous semblait effectivement notre analyse c'était que la justice allait plus vite pour la police que pour les victimes en l'occurrence et donc Amnesty a fait un rapport sur cette question et notamment une de nos grandes recommandations depuis des années en France ou ailleurs c'est qu'il y ait un organisme indépendant de saisine directe pour ces personnes qui veulent déposer plainte et qui veulent une analyse indépendante de cette situation. Dès qu'il y a une violation ainsi dénoncée par une personne, dans la rue, dans un commissariat, dans une zone d'attente ou un centre de rétention, enfin, qui que ce soit pour un étranger ou un citoyen français, qu'il y ait une possibilité donc d'examen indépendant par une commission de saisine directe. Il existe un processus en France, la Commission nationale de déontologie de la sécurité, mais cette commission souvent manque de moyens, premièrement, et deuxièmement, n'est pas de saisine directe. C'est-à-dire que pour la saisir, un étranger doit passer par un parlementaire. Et on a encore eu le cas il n'y a pas très longtemps. L'intéressé qui voulait se défendre ne savait pas comment trouver un parlementaire, comment convaincre un parlementaire, comment s'adresser à un parlementaire. Et donc finalement, cette personne n'a pu que grâce à notre aide lancer cette saisine de la CNDS, de la commission de déontologie. D'accord. Alors, et en 2007, avec l'élection de Nicolas Sarkozy, l'OFPRA, qui était auparavant rattaché au ministère des Affaires étrangères, devient rattaché au nouveau ministère qui est créé de l'immigration, l'intégration et l'identité nationale. Et il n'y a aucunement fait mention de la notion d'asile ni dans l'intitulé du ministère, ni d'ailleurs dans les communiqués publics de celui qui en devient responsable, donc Brice Hortefeux. Alors, l'OFPRA, qui est l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a pour charge d'examiner les demandes d'asile et de se prononcer sur les demandes d'asile, et de reconnaître le statut de réfugié à certaines personnes et de le refuser à d'autres, donc cet OFPRA est normalement un office indépendant, qui effectivement doit statuer sur des demandes indépendamment de toute question politique de la France, diplomatique, où la France a des contacts diplomatiques avec l'Irak, avec la Syrie, avec la Colombie, avec le Tchad. Bon, l'OFPRA est relativement indépendant. Il était rattaché au ministère des Affaires étrangères. Ça pouvait laisser penser qu'il y avait lien justement entre la diplomatie du ministère et les décisions individuelles sur les demandeurs d'asile. Donc on était très vigilants sur ces questions dans les associations. Malheureusement, effectivement, la création du ministère de l'immigration a entraîné le rattachement qui a changé, le changement de rattachement de l'OFPRA. C'est une inquiétude pour nous. Nous avons demandé que ce détachement, ce changement n'ait pas lieu et que le rattachement ne soit pas fait au ministère de l'immigration. Pourquoi ? Parce que le ministère de l'immigration, et le ministre, M. Hortefeux, l'a rappelé récemment, il est responsable de toutes les étapes pour toutes les situations d'étrangers, M. Hortefeux. L'arrivée sur le territoire, à la frontière, c'est M. Hortefeux. Les questions de visa, c'est M. Hortefeux. Le renvoi vers leur pays pour des étrangers en situation irrégulière, c'est encore une responsabilité de M. Hortefeux. Et alors, M. Hortefeux, avec tout ça dans sa tête, toutes ses responsabilités dans sa tête, et j'allais dire dans son cœur, parce qu'un jour, il a dit à l'Assemblée qu'il était un ministre du cœur aussi. Bon. Donc M. Hortefeux, avec toutes ses responsabilités, au milieu de tout ça, il a la responsabilité, finalement, de la gestion de l'asile et du lien avec l'OFPRA. Alors, il nous dit qu'il fait une différence, qu'il fait la part des choses, que l'asile, c'est pas l'immigration, et qu'il sait faire la part des choses. Nous sommes néanmoins inquiets de ce rattachement, parce que le fait d'avoir la responsabilité de toutes ces étapes, de toutes les procédures pour les étrangers, nous fait craindre un mélange de tout ça, et donc que l'asile ne devienne plus qu'une variable dans toutes ces questions d'immigration, de contrôle des flux migratoires, de renvoi des étrangers en situation irrégulière, avec un petit bout d'asile au milieu. Et pour conclure, la France va prendre la direction de l'Union européenne dans quelques mois. François Fillon et Nicolas Sarkozy parlent d'ouvrir et d'accélérer le chantier sur un régime commun de l'asile. Comment vous envisagez ça ? Alors, on ne sait pas du tout ce qu'ils entendent par là, donc on attend un peu de voir. Ce qu'il faut savoir, c'est que la France veut proposer un pacte européen de l'immigration. Et puis, ils ont rajouté, d'ailleurs, au fur et à mesure, ils ont rajouté « et de l'asile ». Donc, le pacte européen de l'immigration, c'est quand même beaucoup de, je dirais, de répressif, de contrôle. C'est quand même beaucoup des notions de mieux contrôler l'arrivée sur le territoire européen, renvoyer plus facilement vers les pays d'embarquement par des systèmes de réadmission. Donc c'est quand même beaucoup ça, le pacte européen d'immigration, avec un petit bout d'immigration légale. Et au milieu de tout ça, ils ont rajouté effectivement en cours de route une partie asile, avec effectivement accélération du processus de rapprochement des politiques d'asile entre les États membres. Donc on verra. En tout cas, le rapprochement des politiques d'asile en Europe depuis 10 ans, c'est plutôt fait par le bas. Donc banco, si la France veut faire mieux, donc nous sommes tout prêts à les y encourager et à leur faire nos recommandations comme d'habitude. Mais c'est vrai qu'on s'est un peu épuisé ces 10 dernières années à faire des recommandations qui n'ont pas été suivies. Donc écoutez, on repart avec beaucoup d'espoir et puis on verra bien. Donc on peut se donner rendez-vous dans 6 mois, dans un an. 6 mois, enfin 4 mois, ça sera le début de la présidence en juillet. Donc décembre, ça sera fini, ça sera une autre présidence ensuite, donc on peut se donner rendez-vous. C'était donc Patrick Delouvain qui nous parlait de l'histoire du droit d'asile et de ses remises en cause par l'Europe et par la France depuis une vingtaine d'années. L'émission sera rediffusée lundi à 11h sur FPP. Si vous souhaitez trouver davantage d'informations sur la question, vous pouvez aller faire un tour sur le site de la Coordination française pour le droit d'asile, cfda.reseau.net. Et vous trouverez également une documentation ainsi bientôt que l'émission sur www.intempestive.net. Et à quoi vous a servi, monsieur Artaud, cette radiodiffusion ? À dénoncer un certain nombre de saletés sociales officiellement reconnues et recommandées.